بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, qui a fait descendre en révélation le livre sur son serviteur, et n'y a mis aucun propos sinueux. Un livre parfaitement droit, pour prévenir d'un terrible châtiment de sa part, et pour annoncer aux croyants qui accomplissent les bonnes œuvres qu'ils auront une belle récompense. ماكثين فيه أبدا. Où ils resteront à tout jamais. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Et pour avertir ceux qui ont dit, Allah s'est attribué un enfant. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Or ils n'en savent rien, pas plus que leur père. Quelle abominable parole sort de leur bouche. Ils ne disent là que des mensonges. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Peut-être vas-tu te tourmenter pour eux, à en mourir, parce qu'ils ne croient pas en ce discours, le Coran. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Nous avons fait de tout ce que porte la terre une parure pour les éprouver et savoir qui d'entre eux aura accompli les meilleures œuvres. Mais nous réduirons certainement tout ce qu'elle porte en un sol aride. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Penserais-tu que les gens de la caverne et de Ar-Rakim soient les plus étonnants de nos miracles? إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Quand ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne, ils dirent « Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure pour nous la voie de la droiture. » فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Nous avons alors frappé de surdité leurs oreilles pendant de nombreuses années. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Puis nous les réveillâmes pour savoir lequel des deux partis savait compter la juste durée de leur séjour. C'est nous qui allons te raconter leur histoire en vérité. Ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur, et nous les avons encore mieux guidés vers le droit chemin. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Nous avons affermi leur cœur lorsqu'ils se sont dressés et ont dit, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons nulle autre divinité que lui. Ou alors, nous aurions proféré des insanités. <t'en> دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Ce sont les nôtres qui ont pris des divinités en dehors de lui. Si au moins ils en apportaient des preuves d'autorité, est-il quelqu'un de plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah? إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Ils se sont dit après concertation, une fois que vous vous serez éloignés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, cherchez refuge dans la caverne. Votre Seigneur alors déploiera sur vous de sa miséricorde et assurera pour votre sort une issue clémente. ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Tu aurais pu voir le soleil à son lever incliné vers la droite de leur caverne et à son coucher s'écarter vers la gauche, cependant qu'ils étaient étendus dans une vaste ouverture de la caverne. Ceci est un des signes d'Allah. Celui qu'Allah veut bien guider sera engagé sur la juste voie. Et celui qui l'entend perdre, tu ne lui trouveras aucun allié pour l'orienter. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Tu aurais pu croire qu'ils étaient réveillés alors qu'ils étaient endormis. Nous les faisions se retourner tantôt sur le côté droit et tantôt sur le côté gauche, tandis que leurs chiens étaient couchés à l'entrée, les pattes étendues. Si tu avais pu les voir dans cet état, tu te serais enfui, saisi de terreur à leur vue. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Et c'est ainsi que nous les avons ressuscités, pour qu'ils s'interrogent les uns les autres. Combien de temps êtes-vous demeurés ici? Demanda l'un d'eux. Un jour, disent les uns, ou peut-être une bonne partie d'un jour. Puis ils ajoutèrent, votre Seigneur sait le mieux combien de temps vous êtes restés ici. Envoyez donc quelqu'un à la ville avec ses pièces d'argent pour vous chercher de ses aliments les plus purs, de quoi vous sustenter. Qu'il soit avenant et n'attire sur vous l'attention de personne. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. car s'ils venaient à vous surprendre, ils vous lapideraient ou vous obligeraient à revenir à leur religion. Mais alors, vous ne réussiriez plus jamais. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ainsi nous fîmes en sorte que soient retrouvées leurs traces, pour que les habitants de la cité sachent que la promesse d'Allah est pure vérité et que l'heure est indubitable. Ils se disputèrent à leur sujet et dirent « Érigez au-dessus d'eux un édifice ». Leur Seigneur connaît mieux leurs secrets. Mais ceux qui eurent le dernier mot dirent « Nous y érigerons plutôt un sanctuaire ». سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ils diront, ils étaient trois, et leur chien était leur quatrième. Et spéculant toujours sur leur mystère, ils diront qu'ils étaient cinq, et leur chien leur sixième. Et ils diront, sept, et leur chien leur huitième. Dis, mon Seigneur sait mieux leur nombre, et il n'est que peu qu'ils le savent. Ne dispute donc point à leur sujet, si ce n'est selon ce qui t'a été révélé, et ne demande, en la matière, l'avis d'aucune personne. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Et ne dis jamais à propos de telle chose, je ferai cela demain. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Si tu n'ajoutes pas, s'il plaît à Allah, Inch'Allah, évoque ton Seigneur lorsque tu viens à oublier et dis, puisse mon Seigneur me guider et me rapprocher de la voie la plus juste. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة. Ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et il s'en ajouta 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Dis, Allah sait le mieux combien de temps ils y demeurèrent. À lui seul appartient l'insondable mystère des cieux et de la terre, car il n'est vu plus clair, ni ouïe plus fine que les siennes. Ils n'ont nul allié en dehors de lui, qui n'associe personne à sa décision. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut modifier ses paroles, et en dehors de lui, tu ne trouveras aucun refuge. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, qui aspirent à voir un jour sa face. Que tes yeux ne se détournent point d'eux pour se fixer sur le faux lustre de la vie en ce bas monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur trop insouciant pour se souvenir de nous, qui a suivi ses propres désirs et qui est tombé dans les travers de l'excès. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Dis, la vérité vient de votre Seigneur. Croira donc qui voudra, et mécroira qui voudra. Nous avons préparé aux injustes un feu, dont les flammes les cerneront de tous côtés. S'ils supplient qu'on leur donne à boire, ils seront abreuvés d'une eau bouillante, comme de l'airain en fusion qui calcine les visages. Quelle horrible boisson que la leur, et quelle affreuse demeure! إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres doivent savoir que nous ne laissons pas se perdre la récompense de quiconque fait le bien. أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. Ceux-là auront des jardins d'Éden, où couleront à leurs pieds les rivières. Ils y seront parés de bracelets d'or, et porteront des vêtements verts en soie fine ou en brocart. Ils seront accoudés sur des trônes. Quelle admirable récompense que la leur et quelle superbe demeure. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Donne-leur donc en exemple l'histoire des deux hommes. À l'un, nous avons donné deux jardins plantés de vignes et bordés de palmiers. Entre les deux jardins, nous avons ménagé un champ cultivé de céréales. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Les deux jardins donnaient chacun sa production régulière, sans jamais y faillir. Et nous avons fait jaillir entre une rivière. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Comme il avait beaucoup de fruits, le propriétaire des deux jardins dit à son compagnon lors d'une conversation avec lui: je possède bien plus de richesses que toi et te surpasse en puissance grâce à mon clan. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Et il entra dans son jardin, injuste envers lui-même, par son comportement, et dit: je ne pense pas que tout ceci puisse périr jamais. Et je ne pense pas que l'heure doive venir, et quand bien même je retournerai vers mon Seigneur, je trouverai certes bien meilleur lieu de retour que ce jardin. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Son compagnon lui dit alors, en discutant avec lui, « Serais-tu en train de mécroire en celui qui t'a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, et t'a ensuite modelé en homme ?» Or, mon Seigneur à moi, c'est Allah, et à mon Seigneur, je ne prête aucun associé. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Pourtant, en entrant dans ton jardin, ne dirais-tu pas plutôt « Telle est la volonté d'Allah ». Il n'y a de force que par Allah. Si tu vois que je suis moins nanti que toi, en biens et en progéniture. Il se peut que mon Seigneur me donne un jour mieux que ton jardin, et envoie du ciel sur le tien quelques fléaux, qu'il le réduise en terre glissante et inculte. Ou que son eau soit retenue dans les profondeurs de la terre, si bien que tu ne pourras plus la puiser. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Et sa récolte fut ravagée. Il se mit alors à tourner et retourner ses mains, regrettant les dépenses qu'il avait effectuées, cependant que les treilles de son jardin avaient été complètement détruites. Il disait, « Comme je voudrais, hélas, n'avoir jamais associé personne à mon Seigneur. » ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Il n'avait aucun clan qui pût le secourir contre le châtiment d'Allah et il ne pouvait lui-même se secourir. Car alors, la protection n'appartient qu'à Allah, le vrai. C'est lui qui donne la meilleure récompense et assure la meilleure issue. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. « Donne-leur en exemple la vie en ce bas monde. Elle est-elle une eau que nous faisons descendre du ciel et à laquelle se mêlent les plantes de la terre, lesquelles se transforment alors en herbes sèches, dispersées par le vent? Car Allah est de toutes choses infiniment capable. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Biens et enfants sont la parure de la vie en ce bas monde. Mais les bonnes œuvres, qui sont faites pour durer, sont mieux récompensées auprès de ton Seigneur et promises à une meilleure espérance. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Le jour où nous ferons mouvoir les montagnes et où tu verras la terre toute nivelée, nous les ramènerons en foule, sans en laisser un seul. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Ils seront présentés devant ton Seigneur en rang. Voici que vous nous revenez comme nous vous avons créé la première fois. Et pourtant, vous prétendiez que nous ne vous avions pas fixé un moment de rencontre. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Le livre des œuvres de chacun sera alors posé dans sa main. Tu verras les criminels terrifiés de ce qui y est inscrit, et ils s'écrieront « Malheur à nous ! Qu'est-ce donc que ce livre qui n'omet de compter ni péché mineur, ni péché majeur ?» Ils trouveront présent tout ce qu'ils auront fait, car ton Seigneur ne laisse personne. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Rappelle-toi, lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, et qu'ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui était issu des djinns et qui s'éleva contre l'ordre de son Seigneur. Le prendriez-vous, lui et sa descendance, pour alliés, en dehors de moi, quand pourtant ils sont vos ennemis? Quel abominable échange pour les injustes. Ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal-ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidha al-mudillina 'adada. Je n'en ai jamais appelé à eux pour qu'ils témoignent de la création des cieux et de la terre, ni pour qu'ils témoignent de leur propre création. Et je n'ai pas pris pour assistant les tentateurs. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Un jour il dira, appelez donc ces prétendus associés que vous me prêtiez. Ils les appelleront alors, mais ces derniers ne leur répondront pas. C'est que nous aurons placé entre eux un abîme où périr. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Les criminels verront le feu et sauront qu'ils y seront précipités. Ils ne trouveront alors aucun moyen pour y échapper. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Nous avons détaillé dans ce Coran divers exemples, mais l'homme est de toutes choses le plus porté à la querelle. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ Qu'est-ce donc qui empêche les hommes de croire quand la bonne direction, Huda, leur est venue? Et qu'est-ce donc qui les empêche d'implorer le pardon de leur Seigneur, sinon qu'ils attendent d'être exposés au même sort que les premiers peuples, ou voir fondre sur eux le châtiment? وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا. Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer l'heureuse nouvelle ou avertir. Mais ceux qui ont mécru disputent encore pour réfuter la vérité, mobilisant maints arguments faux. Ils tournent en dérision mes versets et les avertissements qui leur sont adressés. ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Est-il plus injuste que celui qui, bien que nos signes lui aient été rappelés, s'en détourne et oublie ce que ses mains ont commis? Nous avons enveloppé leur cœur de voile et rendu dures leurs oreilles pour qu'ils ne le comprennent pas, quand bien même tu les appellerais à s'engager dans la bonne direction. Ils ne voudraient jamais y être guidés. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. Ton Seigneur, l'Absoluteur, qui a fait sienne la miséricorde, s'il voulait leur tenir rigueur pour ce qu'ils ont commis, il hâterait pour eux le supplice. Or, leur est déjà fixé un instant de rencontre, d'où il n'y aura pour eux nul échappatoire. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Que de cités n'avons-nous pas anéanties lorsque leurs habitants ont été injustes, et nous avons fixé l'instant de leur destruction. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Souviens-toi aussi quand Moïse dit à son servant: « Je ne m'arrêterai de marcher qu'une fois arrivé au confluent des deux mers, même si je devais continuer à le faire pendant de longues années. » فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Quand ils furent arrivés au confluent, ils oublièrent leur poisson et celui-ci se fraya son chemin dans la mer. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Lorsqu'ils eurent dépassé le confluent, il dit à son servant, « Sers-nous notre déjeuner. Notre voyage nous a vraiment épuisés. » قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Il répondit, lorsque nous avons fait halte près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Seul Satan a dû me le faire oublier et ne point me le rappeler. Et, chose étonnante, il s'est frayé son chemin dans la mer. Moïse dit, c'est très justement cet endroit que nous voulions atteindre. Et ils rebroussèrent chemin vers le rocher. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Ils trouvèrent alors l'un de nos serviteurs que nous avions touché de notre grâce et que nous avions initié à une science de notre part. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moïse lui proposa, ne pourrais-je te suivre afin que tu m'enseignes de cette science, de la droiture que tu as reçue. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Tu ne pourrais avoir assez de patience en ma compagnie. Répondit-il. Et il poursuivit, comment saurais-tu supporter patiemment les choses que tu n'as pas cernées par la connaissance? S'il plaît à Allah, tu me trouveras, répondit-il, plein de patience, et je ne désobéirai point à tes ordres. Alors, dit l'autre, si tu me suis, ne m'interroge sur rien avant que je ne t'en ai parlé moi-même. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Ils s'enfuirent alors ensemble, et quand ils furent montés à bord d'un vaisseau, l'homme y perça un trou. En y perçant ainsi un trou, voudrais-tu donc noyer ceux qui sont à bord? Tu commets là un acte monstrueux. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. N'avais-je pas dit que tu ne saurais rester patient, ma compagnie? Répondit-il. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Ne m'en veux pas d'avoir oublié, fit Moïse, et ne me fais pas subir d'épreuves trop pénibles. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Ils poursuivirent leur route et rencontrèrent un jeune garçon que l'homme s'empressa de tuer. N'as-tu pas tué là un être innocent qui pourtant, lui, n'a tué personne? Tu viens de commettre là un acte abominable, lui dit Moïse. Et l'autre de répondre, ne t'avais-je pas dit que tu ne saurais rester patient, ma compagnie? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Si je t'interroge encore sur quoi que ce soit, n'accepte plus ma compagnie, et tu auras toute excuse de te séparer de moi. » أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Ils reprirent tout de leur route jusqu'à ce qu'ils atteignent un village où ils demandèrent à ses habitants de leur donner à manger. Mais ces derniers leur refusèrent l'hospitalité. Puis les deux compagnons de voyage trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le répara alors et Moïse lui fit observer « Si tu voulais, tu pourrais réclamer un salaire pour un tel travail. » سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Ce sera donc la séparation entre moi et toi, dit-il. Mais avant cela, je vais te donner l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Quant au bateau, il appartenait à de pauvres travailleurs de la mer. Si j'ai voulu l'endommager, c'est parce qu'il y avait derrière eux un roi qui s'emparait de force de tous les bateaux en bon état. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Quant au jeune garçon, ses parents étaient des croyants et nous avons craint pour eux qu'il ne les accablât par sa tyrannie et sa mécréance. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Nous avons donc voulu qu'à sa place, leur Seigneur leur donna un autre enfant, plus pur et plus prévenant envers eux. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Quant au mur, enfin, il appartenait à deux jeunes orphelins de la ville. Et il y avait sous le mur un trésor qui leur appartenait. Leur père était un homme très vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que, une fois arrivés à l'âge adulte, les deux garçons déterrent leur trésor, comme grâce de ton Seigneur. Je ne l'ai donc point fait de ma propre initiative. Telle est l'interprétation de ce que tu n'as pu avoir la patience de supporter. Il t'interroge sur Dhul-Qarnayn. Dis, je vais vous raconter son histoire. مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Nous avons affermi son pouvoir sur terre et lui avons donné des voies d'accès à toutes choses. فأتبع سببا. Il a donc suivi une voie. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. jusqu'à ce qu'il ait atteint le couchant. Il vit alors que le soleil se couchait dans une source boueuse, près de laquelle il trouva un peuple qui vivait là. Nous dîmes, « Oh, Dhul-Qarnayn, tu pourras ou sévir contre ces gens, ou les traiter avec bonté. » أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Celui qui a commis des injustices, répondit-il, nous le châtierons. Puis il sera ramené vers son Seigneur, qui le soumettra à un terrible supplice. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Quant à celui qui a cru et a fait le bien, il aura la plus belle rétribution et nous lui adresserons des paroles bienveillantes. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Puis il suivit une autre voie. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Jusqu'à ce qu'il ait atteint le levant. Il vit alors que le soleil se levait sur un peuple que nous n'avions pourvu d'aucune protection contre sa chaleur. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Voilà ce qu'il en fut, et nous cernions de notre connaissance tout ce qui le concernait. Puis il suivit une autre voie. Jusqu'à ce que, atteignant la gorge entre les deux montagnes, il trouva derrière elle un peuple qui n'entendait aucun langage. Ils dirent, « Oh Dhul-Qarnayn, les Gog et les Magog sont des semeurs de désordre sur terre. Accepterais-tu de percevoir de nous un tribut contre lequel tu dresserais entre eux et nous un barrage ? Nul tribut n'est meilleur pour moi que la puissance dont mon Seigneur m'a gratifié. Prêtez-moi main forte, et je dresserai entre vous et eux une muraille. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Apportez-moi des blocs de fer. Lorsqu'il eut fermé l'espace entre les deux montagnes, il dit « Soufflez sur le feu ». Quand il eut rendu le fer aussi rouge que le feu, il reprit « Apportez-moi de l'airain fondu, afin que je puisse le verser dessus ». فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Ainsi, ils, les Gog et les Magog, ne purent ni escalader la muraille, ni la percer. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Il dit, ceci est un effet de la grâce de mon Seigneur. Mais le jour où arrivera la promesse de mon Seigneur, il rasera cet ouvrage. Car la promesse de mon Seigneur est pure vérité. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Ce jour-là, nous les laisserons déferler en foule, telles les vagues se roulant sur elles-mêmes. Il sera soufflé dans le corps, et voilà que nous les aurons tous rassemblés. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Mais ce jour-là, nous présenterons la Géhenne clairement aux mécréants. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Ceux-là même dont les yeux étaient recouverts d'un voile, les empêchant de m'évoquer. Et qui non plus ne pouvait rien entendre. Ceux qui ont mécru, pensent-ils vraiment prendre mes serviteurs pour alliés en dehors de moi? Nous avons ménagé aux mécréants la Géhenne comme lieu de séjour. Dis, vous apprendrons-nous donc qui seront les plus grands perdants quant à leurs œuvres? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ce sont ceux dont l'effort se sera perdu dans la vie en ce bas monde, mais qui pourtant croient bien agir. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ce sont ceux qui ont rejeté les signes de leur Seigneur et ont mécru en sa rencontre. Vaines seront leurs œuvres, et nous ne leur accorderons aucun poids au jour de la résurrection. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Telle sera leur rétribution, la Géhenne, puisqu'ils ont mécru et ont tourné en dérision mes signes et mes messagers. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins du paradis pour lieu de séjour. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Là, ils séjourneront pour l'éternité et ne voudront pas changer de lieu. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait épuisée avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si nous lui ajoutions autant de mers encore. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dis, je ne suis qu'un humain comme vous, et il m'est révélé que votre Dieu est un. Que celui qui espère rencontrer son Seigneur fasse le bien et n'associe personne à l'adoration de son Seigneur.